Ben oui, c'est veille de Noël, aujourd'hui Sainte-Adèle, et c'est le 100e anniversaire de Soulages, et nous continuons la série initiée hier. Je suis heureux d'être arrivé à ne pouvoir faire que de la peinture, d'essayer d'arriver à ne pouvoir que peindre. Jeunesse de Soulages, mais il y a aussi l'intelligence du rugby. J'ai joué au rugby, que j'aime toujours, qui est un jeu qui me passionne toujours, enfin, toujours c'est... qui me passionne de nouveau. Mais que j'avais un peu oublié entre-temps. Vous avez retrouvé votre jeunesse par le rugby aussi? Oui, enfin, c'est une chose... c'est pas ma jeunesse, le rugby. Quand je vais au rugby, c'est vraiment l'actualité. C'est une chose qui m'aime. C'est un jeu qui m'intéresse beaucoup, qui me plaît beaucoup, qui m'attire beaucoup. La marche de l'histoire. Jean Lebrun, sur France Inter. En compagnie de Denis Soula. Soula, Soulages. Oui. Denis Soula, romancier, passionné de rugby. Il y a 12 ans... Vous avez eu l'idée, l'entremetteur c'était l'écrivain, le poète Charles Julliet, ami de Soulages, de faire parler Soulages du rugby. Ça a fait l'objet d'un documentaire qui a été diffusé sur France Culture et dont on a le texte dans un livre sur le rugby que vous avez publié chez Autrement. C'est vous qui dites Monsieur Soulages, et alors il vous reprend, Pierre Soulages, il faut me dire Pierre Soulages. Oui, Pierre Soulages, j'ai dit, bon, on est entre... On est moins entre critique et peintre. Là, on est entre, pas vraiment amis, mais entre camarades de jeu. Il y a Charles Julliet, il y a Olivier Villepreux, Pierre Soulages et moi-même, pas très loin de l'ancien atelier Rue Galland, proche de celui de la rue Saint-Victor. Nous sommes en avril 2007. Et... C'est à peu près la même heure, là. Il est un peu plus de 14 heures. Et donc, Soulages verse... Le café et l'Armagnac. Ah, bah, c'est pas une troisième mi-temps puisqu'en fait on attaque le match, mais voilà, on trinque avant de commencer à parler et à commencer à guerroyer sur le rugby. Et à évoquer des souvenirs d'enfance, et comme on le disait hier, tout commence chez les Ruthénois, les Ruthènes, à Rodez. Y'a touche, l'arbitre, y'a touche. Allez, j'y vais, allez. Ils ont écroulé. Ouais, c'est énorme, j'y vais. T'es magique. Allez. C'est une ascension. Ma foi. À Rodez, on peut pas échapper au rugby? Non. Il y avait du rugby à Rodez, c'est vrai. C'est comme ça que c'est venu. Et puis dans ma famille, on aimait le rugby. Un jour, l'équipe était en déplacement, je devais avoir 10 ans. Et mon oncle m'a surpris en train d'aller au stade. Il me dit, où vas-tu aujourd'hui? Je lui dis, il y a un match de foot. Oui, tu n'es pas malade, non? Tu vas voir jouer les manchots? Tu n'iras pas, il vient. Oh, oh. On va à la maison. Il m'a offert un de ces 4 heures phénoménales. Parce que je n'étais pas allé voir jouer les manchots. C'est quelles années, ça? Ben, quand j'avais 10 ans, ça doit faire 1930. Vous avez appris la géographie de la France par l'énoncé des résultats des matchs de rugby le dimanche soir. Rodez était un club d'importance. Oui, c'est l'époque où la première division compte plus de 80 clubs. Il y a Montchanel, La Voulte, Le Creusot, Quillan, enfin des clubs comme ça d'à peu près tout le territoire. Et à l'époque où Soulages parle du football, en fait, il est curieux parce que dans les années 1930, le football n'est pas du tout populaire. Les sports les plus en vogue, c'est le cyclisme, évidemment, le vélo, la boxe et le rugby. Et donc, en fait, il est curieux d'aller voir ce jeu qui se joue sans les mains. Mais bon, il se fait heureusement reprendre par un oncle. C'est qu'il a peut-être secrètement, dans ce domaine aussi, l'envie de tromper la destinée qui lui est dessinée à Rodez. C'est drôle, il parle des mains. Alors, quand il définit la position qu'il a dans l'équipe... Il reprend ce que dit Delteille de lui, il a le génie de la grande jambe. Mais il parle aussi des mains. Alors moi j'ai la même position que Char, explique-t-il, René Char, mais j'ai des mains plus petites. Oui, c'est-à-dire que ces deux géants, c'est assez incroyable, parce qu'on pourrait imaginer une équipe de rugby phénoménale, comme le Goûter, avec René Char en seconde ligne, Pierre Soulages, quand il parle d'élévation et d'ascension, le seconde de ligne, c'est celui qui est élevé par ses camarades pour attraper le ballon en touche. Et donc déjà, c'est quelque chose, il fait 1m90, il fait 120 kilos, c'est une force de la nature, et d'ailleurs il l'est toujours, hein, puisqu'il fête aujourd'hui son anniversaire, comme quoi les deuxièmes lignes de rugby sont résistantes. Deltaï disait, il est grand comme tous les Césars, le front trop haut et des épaules de rutin. Ben, ça pourrait être Walter Spanghero, ça pourrait être Benoît Doga, ça pourrait être Jean Le Droff, auquel il ressemble à une époque, à la fin des années 40, quand il arrive à Paris, qui peint à Courbevoie, il a le collier de barbe qu'avait Le Droff, et il ressemble pas mal à Benoît Doga, les yeux verts. Alors, le premier voyage à Paris, c'est avant la guerre, hein. En 1938, il est étudiant aux Beaux-Arts, et voilà une scène très bien racontée par lui dans votre documentaire, parce que il y a le premier plan et puis aussi l'arrière-plan. C'est un récit très ouvré qui a sans doute été répété, qui est parfait, celui d'un conteur ou d'un peintre figuratif. Oh, j'étais concerné par beaucoup de choses dans ma jeunesse, mais j'aimais ce jeu parce que j'y voyais autre chose qu'une activité physique. C'était vraiment un jeu. Mais j'ai abandonné ce jeu parce qu'il y avait quelque chose qui me paraissait plus ma voix encore que le rugby. Encore que, mais ça ce n'est qu'une anecdote évidemment, quand je suis arrivé à Paris, c'était en 38, et il y a un flic qui réglait la circulation boulevard Saint-Michel, et j'étais sur le trottoir avec deux de mes copains, et ce flic est venu vers moi et m'a pris par le veston, comme ça. J'étais surpris et un peu inquiet. Je ne comprenais pas ce que je venais de faire qui justifiait cette... Mes deux copains sont éloignés, aussi surpris que moi. Et avec un accent terrible du sud-ouest, le flic me dit « Tu ne me reconnais pas ?» Je suis 13 cases. 13 cases. Il a ôté son képi et je l'ai reconnu. Et à ce moment, il me dit « Tu viens au Stade Français, tu as ta place en première, tu viens tel jour. » Et il sort son carnet et il commence à griffonner une adresse sur le carnet. Mes copains se disaient, c'est sûrement très grave puisqu'il est en train de... Et puis il déchire la carte, tu viens tel jour, très bien. Et on s'est serré la main. Et quand j'ai retrouvé mes copains, alors ils ont compris évidemment quand on s'est serré la main que c'était pas très grave. Et je leur ai dit, voilà, on me propose de jouer au Stade Français, mais toute réflexion faite, je n'irai pas. Parce que si j'y vais, je sais trop ce que c'est, je vais être pris, et je vais mettre ma main dans un engrenage qui me tente beaucoup trop pour que j'y aille, parce que, non, je veux réserver toute mon énergie, tout mon temps, à la peinture. Et c'est comme ça que je ne lui avais pas donné mon adresse. Par conséquent, je n'y suis pas allé. Et c'était fini pour moi en tant que joueur. Pourtant, le Stade Français, hein, Denis Soulard, aurait bien besoin de Pierre Soulages en ce moment, parce oui, qu'ils sont en passe de descendre en deuxième division. À l'époque, c'était quand même il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire du Stade Français, mais c'était un club très connu depuis la fin du 19e siècle, depuis sa création pour des étudiants. Oui, c'était un des clubs fondateurs du rugby français, bon, qui a connu diverses fortunes et bon. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en 38, c'est une époque compliquée parce que ça, la mère de Soulages et sa sœur lui ont donné l'autorisation d'aller à Paris, mais à condition qu'il étudie le professorat de dessin. Il est à l'atelier de René Jaudon, qui lui met 20 sur 20. Il est, pour une des rares fois de sa vie, il peint sur modèle vivant, d'après modèle vivant. Mais en fait, Jaudon lui dit, mais vous avez rien à faire ici, essayez peut-être les Beaux-Arts, c'est pas pour vous, vous êtes trop bon. Mais en fait, même aux Beaux-Arts, ça marche pas, et puis il rentre à... Et au Stade Français, finalement, il y va pas, donc il repart en fait à Montpellier. Et alors sa sœur aînée, qui est prof de philo, dit, mais déjà tu joues au rugby, tu veux être prof de dessin, tu voudrais peut-être être prof de gym. Et je pense qu'il y a un certain dédain de la part de la prof de philo dans cette remarque. Oui, il aurait pu être pêcheur à la truite aussi, puisqu'il adorait ça. C'est des années, en fait, où il sait pas encore ce qu'il veut faire. Oui, encore que, dit-il, j'ai une vocation, encore que. Il ne faut pas que je mette la main dans autre chose que la peinture, parce que... voilà. Alors, dites donc, cette conversation de 2007 au domicile parisien de Pierre Soulages, elle va gagner peu à peu de l'altitude, à force d'Armagnac. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est Roger Vaillant qui a écrit, en parlant de vous, Monsieur Soulages, c'est Pierre Soulages. Pierre Soulages. C'est un champion qui, au cours d'un grand nombre de combats, matchs ou courses et d'innombrables séances d'entraînement, s'est créé un style. Ça vous... Oui, ça me va. Oui, hein. Mais en réalité, les rapports avec le rugby, moi j'en ai tous les jours. Parce que, pour moi, dès le départ, ce qui m'a plu dans le rugby, c'est que le ballon était ovale. Ça a l'air idiot, mais c'est capital. Parce que, dans la forme, il y a l'inattendu. Et l'inattendu, c'est ce qui m'intéresse. Et ça m'intéresse dans la peinture, tous les jours. Moi, ce qui me plaît, c'est de rencontrer ce que je n'attends pas et sur lequel peut s'échafauder une construction. Et c'est comme ça que mes tableaux fonctionnent, d'ailleurs. Quand je commence à faire un tableau, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est un événement qui, pendant que je peins, se produit, qui déclenche la suite. Ça ressemble davantage à du rugby. C'est dans la conception même, dans la racine même de ce jeu, que je retrouve dans le ballon ovale, dans le rebond inattendu. Et ça touche à des questions beaucoup plus importantes et beaucoup plus grandes. J'ai même envie de citer quelque chose qui va vous surprendre. C'est un mystique espagnol, Saint Jean de la Croix. Il dit, pour toute la beauté, jamais je ne me perdrai, sauf pour un je ne sais quoi qui s'atteint d'aventure. Je peux vous le dire en espagnol, por toda hermosura, nunca yo me perderé, sino por un no sé qué, que se alcanza por ventura. Qui s'atteint d'aventure. Pas qui se rencontre, hein, qui s'atteint, il y a un effort. Et ce que j'aime dans le rugby, il y a de ça aussi, c'est ce qui s'atteint d'aventure. Alors il aurait pu faire du rugby, et quand il parle de rugby, il parle de peinture par analogie. Oui. Il y a un mot très intéressant, c'est le mot aventure. Et lorsque Pierre Soulages affronte une toile, c'est comme s'il entrait sur une pelouse vierge, comme un joueur qui va rentrer sur la pelouse. On a préparé des trucs, mais évidemment, au bout de 30 secondes, le rugby, on a beau avoir préparé des trucs, c'est pas comme ça. Ça se joue avec le cerveau, avec les jambes et avec la surprise. Et quand Soulages peint, tout le monde, enfin, on le sait un peu, c'est-à-dire, il ne sait jamais ce qu'il va peindre, il met juste un caillou devant l'atelier pour qu'on le dérange pas, et puis il a ce match avec ce grand format, un peu plus grand que lui, 1m95, bon, et il attaque. Donc il est à l'attaque, comme les grandes équipes françaises qu'il aime, celles où il y avait André Boniface, celles où il y avait Joe Mazot, celles où il y avait Thomas Castagnède, où il y avait Frédéric Michalak. Des joueurs qu'il aimait, pourquoi? Parce qu'il laissait parler l'inspiration plutôt que l'organisation. Oui, mais j'essaye de restituer cette conversation ancienne que vous avez eue avec Charles Juliet, Villepreux et lui. Déjà, Soulages devait dire... le rugby, c'est devenu un peu prévisible. Quand le ballon sort de la mêlée, on peut presque dire ce qui va lui arriver. Il y a moins d'inattendu. Comme quoi, c'est quand même un sacré connaisseur de rugby, parce que, à l'époque, l'équipe de France est entraînée par Bernard Laporte, qui est adepte d'une stratégie qui a été discutée, qui a été imposée et qui est très organisée. La stratégie des blocs. Bon, et lui, c'est pas son truc. Et donc, il a remarqué quand même que il y avait un système. Et le système, c'est quand même ce que lui aborde plus que tout. Et c'est pour ça qu'il préfère un rugby fait d'inspiration, comme celui que pratiquait l'équipe de France jusque dans les années 80, 90, et que pratique évidemment son équipe favorite, les All Blacks. On parlera des All Blacks tout à l'heure, mais je reste sur le Stade français que vous citiez, parce que Laporte, c'est un ancien du Stade français, le Stade français Max Guasini, avec des couleurs de pom-pom girl, les calendriers des dieux du Stade. Je ne sais pas comment Soulages regarde tout ça, d'ailleurs. Alors, ce qui est marrant, c'est que à la fin de l'entretien, on avait amené le maillot de l'équipe de France en 2007. La France accueillait déjà la Coupe du Monde. Et donc, les dirigeants d'une célèbre marque avec une virgule qui faisait beaucoup rire Soulages, ils disaient « Ah ben oui, la déesse Nike, moi je la dessinais lorsque j'étais jeune. » Et donc, on montre ce maillot à Soulages. Colette est là, elle lui dit « Tiens, regarde, et ce maillot qui est un peu... qui est pas franchement un bleu, qui est pas franchement noir, qui est un mélange, et Colette Soulages dit, on dirait un Soulages, mais un faux Soulages. Vraiment, ils ont fait n'importe quoi. Oui, parce que on parle souvent dans cette série qui ne fait que commencer de Colette Soulages, épousée, paraît-il, en noir dans les années 1940. Elle arrive toujours, ou souvent, à la fin des entretiens, en disant, j'ai pas voulu être là, mais ça m'aurait intéressé. Et puis elle met son grain de sel. Oui, alors en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'au début, Pierre dit, c'est des amis, on va parler de rugby. Bon, donc nous, on est... Et elle dit, oula, si vous parlez de rugby, ça va durer des heures, donc je vais faire des courses. Et finalement, elle est revenue à la fin de l'après-midi, et c'est vrai, ils sont habillés, ils avaient tous les deux presque 90 ans, ils sont habillés à noir, on aurait dit des membres du groupe The Cure. Enfin, ils étaient très à la mode, mais d'une manière... Ils sont toujours très rock'n'roll, en fait. Les conversations sur le rugby, c'est des conversations entre hommes, mais alors pas n'importe quels hommes. Alors, dans La Croix, Sabine Gignoux, c'est un numéro en partie consacré aux vitraux de Conques, notre thème de demain, dit Jean-Dominique Fleury, le maître verrier des vitraux de Conques, s'est retrouvé un jour déjeuner rugby. Il pouvait y avoir qui ? Vous n'y étiez pas, vous ? Non, je n'y étais pas, mais j'en ai entendu parler. C'est un déjeuner qui se tient à 7, l'un des domiciles de Pierre, de Colette et Pierre Soulages. Il y a Georges Duby. Georges Duby. Qui est supporter de Béziers, évidemment, de la grande équipe de Béziers, celle où il y avait Richard Astre, notamment. Et il y a Michel Serres, à Genet, fan de Philippe Sella. Évidemment, Pierre Berbizier. Et puis, il y a Pierre Soulages qui, lui, défend le stade ruthénois parce qu'il n'y a pas de raison. Et Jean-Dominique Fleury qui est là pour parler des vitraux de Conques et qui assiste à ce déjeuner mémorable qui, là aussi, dure des heures. Drôle d'équipe. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant, en entendant la suite de votre conversation avec Soulages de 2007, de l'équipe. Parce que il est toujours réticent à vouloir appartenir à un groupe, par exemple à un groupe de peintres. Ils disent ce qui est intéressant, c'est parce qu'il y a de commun entre des peintres qu'on qualifierait de surréalistes ou d'abstraits. C'est ce qui est singulier chez chacun. Mais alors, l'esprit d'équipe dans ces conditions ? Mais ça, c'est très important, l'amitié, qui peut, comme ça, se nouer entre les joueurs. C'est très très important, cette solidarité. Camaraderie, la connivence. Voilà, connivence, la complicité. Ça, c'est des mots qui font du bien quand on joue au rugby, en tout cas. On garde son identité, mais on n'est pas seul. On n'est pas seul, on est soutenu. On a des copains qui sont là pour aider. On les aide aussi. Mais je pense au jeu d'avant, là. Mais je dis toujours que les qualités intellectuelles des gens se voient dans le rugby. Ça se remarque. Et même des types qui, dans la vie, paraissent idiots, quand on les voit sur un terrain, on s'aperçoit qu'ils sont formidablement intelligents. Et j'ai vu ça souvent. Et c'est qu'ils le sont réellement, profondément. Il y a une forme d'intelligence du combat qui est apparente chez des gens qui, pourtant, dans la vie, n'ont pas l'air d'être particulièrement doués pour les études. Dans l'art, c'est la même chose. Les gens très habiles et très doués ne sont pas forcément de grands artistes. S'il y a Ingre, à propos de rugby, c'est amusant de sortir chose de Ingre, après Saint-Jean de la Croix, il disait, les gens qui ont du talent, ils font ce qu'ils veulent. Moi qui ai du génie, je ne fais que ce que je peux. Et je crois que c'est une parole qui vaut aussi dans ce jeu. On voit la personnalité de quelqu'un qui s'exprime et qui est inimitable, qui est unique. Et ça, c'est la qualité individuelle de chaque joueur. Et par ailleurs, cette qualité individuelle, mêlée à celle des autres, produit ce qu'on peut voir, c'est-à-dire quelquefois un grand match. Oui. Denis Soulard. Ce qui lui plaît, c'est l'intuition. C'est un peintre intuitif. En fait, c'est pas un intellectuel, Pierre Soulages. Il dit souvent qu'il lit pas de romans. Il préfère les poètes, René Char, Charles Juliet, Delteil. Bien qu'après, il a été proche de Claude Simon. et un peu de Nathalie Sarotte. Mais en fait, Claude Simon, par exemple, il parlait de rugby parce que quand il était à Sète, Claude Simon et sa femme habitaient à Sals, qui est pas, c'est pas très très loin, un peu plus vers l'Espagne. Et il dit, de temps en temps, on allait chez eux ou ils venaient chez nous et on se mettait évidemment à parler de rugby. Et Claude Simon lui racontait parfois qu'il allait lui aussi au rugby avec Samuel Beckett voir France-Irlande. Lorsque les Irlandais venaient à Paris, Beckett allait avec Claude Simon voir France-Irlande. Plus Soulage, plus Char, plus Duby, plus Serre, ça commence quand même à faire une sacrée équipe, Jean. Oui, sauf qu'il a raccroché le ballon. Il n'a plus fait de rugby, peut-être. L'âge venait-il aussi, les ennuis de santé, parfois, même pour un athlète. Alors, nous sommes là beaucoup, beaucoup plus tard, sous la 4e République, j'imagine, suite de votre conversation avec Soulage. J'ai eu des ennuis de santé, des pierres dans les reins, des coliques néphrétiques. Et j'étais resté quelques jours à souffrir vraiment et à vivre avec de la morphine. Et puis un ami médecin est venu un jour me dire « Tu viens, tu m'accompagnes, viens avec moi, je vous m'amène-tu ?» J'étais épuisé. J'étais épuisé par les jours de souffrance que je venais de vivre. Et il me dit, m'amènes-tu, mais tu verras, habille-toi chaudement, il fait froid. Alors je me suis habillé, pris un manteau, et ma femme est arrivée, elle me dit, où l'amènes-tu ? Mais si tu peux venir, dit-il à ma femme, tu peux venir aussi, mais habille-toi chaudement, il fait froid. Nous avons s'habillé chaudement, descendu l'escalier, et quand nous sommes dans sa voiture, je lui dis, maintenant. Et moi j'imaginais qu'il m'amenait dans une clinique pour une radio, pour un truc comme ça. Non, il me dit, on va à Colombes, c'était pas que c'est Colombes, voir France Gall. Et brusquement, j'étais repris par ce que j'ai vu. Et alors que j'étais sans désir, complètement neutre, très abattu au fond. Et brusquement, la vue du match m'a réveillé et j'ai vu quelle était l'importance que ce jeu pouvait avoir encore en moi, enfoui depuis des années où je l'avais un peu abandonné. Et depuis, je regarde toujours avec tous les matchs que je peux voir. Et puis après le match, il m'a dit, viens, on m'a amené dans un bistrot, il m'a dit, il faut boire de la bière parce que ça fait pisser. C'est ce qui importait pour lui, évidemment. Et c'était l'après-match. C'était notre troisième mi-temps. Le rugby, au fond, c'est comme dans les causses qu'il aime tant, c'est le lac souterrain qui peut ressurgir. Il y a comme ça un lac souterrain sur le Larzac. Oui, ce qui est bien lorsqu'on l'entend, c'est que on a et c'est la vérité. C'est vrai que Soulage, peut-être parce qu'il est habillé de noir, parce qu'il peint des tableaux sombres, on a l'impression que c'est quelqu'un d'austère, peut-être d'ombrageux. Et en fait, là, on l'entend rire et on l'entend sourire. Et c'est ça aussi quand même. C'est la joie de vivre. Cet homme, c'est la joie de peindre. C'est pas parce qu'on peint du noir qu'on est triste. C'est quand même la joie de vivre. C'est quelqu'un qui a eu un appétit de vivre assez incroyable. Et là, avec ce copain qui est finalement très rugby, c'est. Il dit souvent, beaucoup d'amis que j'ai aiment le rugby. Mais ce n'est pas parce qu'ils aiment le rugby qu'ils sont mes copains, c'est parce que dans le rugby, on trouve des valeurs qui sont les miennes. Alors dites-moi, votre documentaire qui était passé sur France Culture, qui est rédigé aussi pour un livre de Autrement existe-t-il un rugby français ? Il avait pour titre Les Bleus, les Noirs. Vous avez cité les All Blacks, qui s'appellent Black un peu par hasard d'ailleurs. Il faut qu'on les entende et puis qu'on aille au fond. En rugby, on dit souvent que les Noirs et les Bleus, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande et la France, nourrissent une admiration réciproque pour leur jeu. Et évidemment, l'histoire prouve que le noir l'emporte quand même plus fréquemment sur le bleu que l'inverse. Mais le noir s'en inspire. Le black s'inspire beaucoup du jeu français. Mm-hmm. Il faut bien faire attention. Là, vous employez le nom des couleurs sur le plan symbolique. Et la symbolique des couleurs, c'est contradictoire. On accepte la symbolique dans la mesure où ce sont des couleurs de fanion, que ça correspond à quelque chose. Mais il faut bien insister là-dessus. Les couleurs, en particulier le noir, quand on parle du noir, c'est un symbole multivalent. Le noir, ça peut être celui du deuil, mais ça peut être aussi celui de l'officialité, celui de la fête. Je me souviens d'avoir vu la robe de fête de l'impératrice Sissi, qui était toute de fête, et à côté de ça, la robe d'une religieuse bénédictine qui était de l'austérité. C'est une couleur, le noir est une couleur fondamentale. Ce qui me plaît dans le noir, vous me faites parler du noir, je fonce évidemment, comme le taureau sur le rouge. Mais c'est quand même une couleur fondamentale, le noir. D'abord, c'était la couleur d'origine du monde. Avant que la lumière soit, le monde était dans le noir. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y a 340 siècles, au début de la peinture, au début connu. Elle existait peut-être avant, mais la peinture a commencé il y a 340 siècles, on en est sûr, avec la grotte Chauvet. Alors que, en général, notre culture, c'est 26 siècles. L'art grec, c'est 26 siècles, les classiques grecs. La Bible, c'est 26 siècles. L'époque chrétienne, c'est 20 siècles. La peinture, ça existe depuis 340 siècles. Et puis pas seulement... ça a existé il y a 300 siècles, 280, 200, 180, 160, pendant des siècles, des siècles. Les hommes allaient dans les endroits les plus sombres de la terre, les plus noirs qui existent, c'est d'ailleurs les grottes, pour peindre, et ils allaient peindre avec du noir. Alors qu'il aurait suffi qu'ils se baissent et qu'ils ramassent un bout de pierre blanche, de la craie, il y en a partout, pour écrire sur les parois. Mais non. Alors le noir, c'est une couleur... aussi intéressante, parce que non seulement c'est une couleur d'origine de la peinture, d'origine du monde, et de notre origine aussi. Nous étions dans le noir avant de naître. D'ailleurs, vous savez que le noir, dans le langage héraldique, vous savez comment ça se dit ? Sable. Le rouge, c'est le sang, le jaune, c'est or, et le noir, c'est sable. Mais enfin, tout ça, ce qui est intéressant, c'est de voir comment jouent les Néo-Zélandais par rapport au bleu. Bah oui, évidemment, Denis Soula. Oui, alors ce qui est curieux, c'est que lui qui s'habille tout de noir, il a eu une époque, une tunique qui était sang et or, c'est celui de son maillot d'enfant. Lorsqu'il joue au Stade Ruthénois, les couleurs du Stade Ruthénois, c'était sang et or, comme ceux de l'USAP, le club de Perpignan. Et il dit que il y a eu un roi de Barcelone au Moyen-Âge qui était né à Rodez. Voilà, et puis un évêque de Conques dans l'Aveyron qui a été évêque de Pamplune. On vous voit nous rapprocher de l'Espagne. Alors vous allez avec votre fille à Rodez, au musée Soulages, régulièrement. Le témoignage d'un auditeur qui s'appelle Philippe Gamba, il habite Moinsartou sur la Côte d'Azur, et alors il me dit, quand la SNCF fonctionne, et que je viens de Toulouse ou de Bordeaux, elle veut me faire passer par Paris, eh bien je refuse l'injonction, et malgré des correspondances difficiles, je m'arrête à Montpellier, au musée Fabre, parce qu'il y a aussi des Soulages au musée Fabre, je file très vite au musée, je retourne très vite à la gare pour ne pas rater ma correspondance. Quelle sera la suite de votre série, me demande-t-il. Eh bien, demain, nous sommes à Conques. Le début de l'aventure des vitraux, c'est 1986. L'achèvement, c'est 1994. Jeudi, Christian Bobin nous raconte un pèlerinage à 7, le 24 décembre, pour le 99e anniversaire du peintre. Et puis, Michel Pastoureau conclura cette série qui a été préparée par Franck Olivard avec à la réalisation Étienne Bertin, Charles Leca à la technique. Et puis dans un instant, chez Fabrice Drouel, il sera question d'une forme lumineuse. Tiens, une forme lumineuse. Mais c'est du côté de Vichy, dans un château mystérieux.